Proverbe chapitre 3. Mon fils, ne mets point en oubli mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements. Car ils t'apporteront de longs jours, et des années de vie, et de prospérité. Que la gratuité et la vérité ne t'abandonnent point, lis-les à ton cou, et écris-les sur la table de ton cœur. Et tu trouveras la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel, et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le en toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera une médecine à ton nombril, et une humectation à tes os. Honore l'Éternel de ton bien, et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves rompront de mou. Mon fils, ne rebute point l'instruction de l'Éternel, et ne te fâche point de ce qu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, même comme un père l'enfant auquel il prend plaisir. Oh, que bienheureux est l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui met en avant l'intelligence. Car le trafic qu'on peut faire d'elle, est meilleur que le trafic de l'argent, et le revenu qu'on en peut avoir, est meilleur que le fin or. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent point. Il y a de longs jours en sa main droite, des richesses et de la gloire en sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers ne sont que prospérité. Elle est l'arbre de vie à ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la tiennent, sont rendus bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la sapience, et il a disposé les cieux par l'intelligence. Les abîmes se débordent par sa science, et les nuées distillent la rosée. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux, garde la droite connaissance et la prudence. Et elles seront la vie de ton âme, et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ta voie, et ton pied ne bronchera point. Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur, et quand tu te seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains point la frayeur subite, ni la ruine des méchants, quand elle arrivera. Car l'Éternel sera ton espérance, et il gardera ton pied d'être pris. Ne retiens pas le bien de ceux à qui il appartient, encore qu'il fût en ta puissance de le faire. Ne dis point à ton prochain, va, et retourne, et je te le donnerai demain, quand tu la pars de vers toi. Ne machine point de mal contre ton prochain, vu qu'il habite en assurance avec toi. N'aie point de procès sans sujet avec aucun, à moins qu'il ne t'ait fait quelque tort. Ne porte point d'envie à l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car celui qui va de travers, est en abomination à l'Éternel, mais son secret est avec ceux qui sont justes. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Certes il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux débonnaires. Les sages hériteront la gloire, mais l'ignominie élève les fous.